Bonjour à tous. Aujourd'hui, soupe crémeuse aux champignons de Paris pour 4 personnes. 400 g de champignons de Paris bien blancs, 10 g de beurre, 1 oignon blanc, 25 cl de crème liquide entière, 75 cl de fond blanc de volaille ou de légumes, une cuillère à soupe de curry doux, du sel, du poivre, des croûtons frits et de la ciboulette. Faire fondre les champignons émincés au beurre, ajouter oignons hachés et curry. Mouiller au fond blanc, cuisson 30 minutes à feu doux. Assaisonner, mixer très finement le tout. Ajouter la crème, mettre au point. Dresser dans des bols chauds, quelques croûtons, un peu de ciboulette ciselée, un petit vin conseillé, un anjou rouge à boire avec modération.